Audiomatique. Thank you. La première pièce à se faire entendre à cette transmission 185 d'Audiomatic était l'œuvre de la défunte formation anglaise LFO et s'intitulait Blown et est tirée du troisième et dernier album de LFO, Sheath. LFO était à la base un duo formé à la fin des années 80 par Gerard Varley et Mark Bell qui ont lancé deux albums, soit Frequencies en 1991 et Advance en 1996. Par la suite, Gerard Varley a quitté pour former son projet G-Man et LFO est devenu donc le projet solo de Mark Bell qui n'a fait paraître qu'un seul autre album en 2003, Sheath, avant sa mort survenue en octobre 2014. À Audiomatic, la seule prédisposition est musicale, le seul symptôme est synthétique, la seule maladie est électronique et le seul remède est la transmission des sons. your harvest potential. You plant yam, you harvest yam. What you sow is what you reap. C'est sur la musique du projet Quantic de l'artiste britannique William Holland que se concluait la séquence musicale à Audiomatic. La pièce Use What You Got que nous avons entendue met à contribution Sonny Akpan du groupe dub expérimental African Head Charge. La pièce paraît sur l'album de Quantic intitulé Mishaps Happens, sorti en 2004. Avant, c'était la formation Theremin Quattro et la pièce Escape en un Simulador de Vuelo, tirée de l'album Lima Tokyo Lima, paru également en 2004. Et on amorçait la séquence sur la musique du groupe Fluke et de leur pièce Atom Bomb qu'on retrouve sur l'album Risotto, sorti en 1997. Les électronistes vous proposent à l'instant à Audiomatic Asian Dub Foundation. Through a blowback, wondering why you need places to hide. Keep one out to the sky.

Nous entendions à Audiomatique le groupe multi-ethnique Afro-Celt Sound System qui nous présentait la chanson Release sur laquelle collabore Sinead O'Connor. Nous avons choisi de vous faire tourner la version album edit de cette pièce que l'on retrouve sur l'album compilation Collaborations de Sinead O'Connor, qui regroupe plusieurs chansons de différents artistes pour lesquels elle a prêté sa voix. La version originale de la chanson Release est parue sur le deuxième album de Afro-Celt Sound System intitulé Volume 2 Release. Tout juste avant, nous avions droit au groupe anglais Trans Global Underground, celui-là même qui nous a fait connaître Natasha Atlas, puisqu'elle a fait partie du groupe pour leurs quatre premiers albums. De leur album Impossible Broadcasting, nous vous avons fait entendre leur composition Isis K, sur laquelle chante The Trio Bulgarka. Et pour débuter, il s'agissait d'un autre groupe britannique, soit Asian Dub Foundation, avec la chanson Blowback de leur album Enemy of the Enemy. C'est maintenant le DJ péruvien Chacruna qui nous offre sa pièce, la Cumbia Zouk, à Audiomatique. We'll be right back. I dropped to sleep, I fancied I heard faint sounds from the distance. Sounds that were wild and half musical, and stirred me with a weird excitement which colored my dreams. Le projet new-yorkais Defrag concluait la séquence de deux pièces audiomatiques avec Color My Dream, une composition qui se retrouve sur l'album intitulé Lament Element. Et avant Defrag, c'était DJ Chakruna et sa pièce La Cumbia Zouk exclusive à la compilation Cumbia Amazonica, produite par l'étiquette de disque Hawaii Banzai. Nous mettrons un terme à cette transmission 185 d'Audiomatique, puisqu'il le faut, avec un groupe originaire de la ville de Brighton en Angleterre, soit Fujiya and Miyagi, plus particulièrement avec leur composition cassette single extraite de leur album Transparent Things, paru en 2006. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 186 d'Audiomatique. Sachez entre-temps que vous pouvez également écouter les anciennes transmissions d'Audiomatique quand bon vous semble et au moment qui vous le convient en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Et comme annoncé précédemment, nous allons vous présenter, bien sûr, la formation Fujiya and Miyagi et leur composition cassette single. C'était Audiomatique avec les électronistes.